château du roi Léaude, une vierge est prisonnière qui se reflète dans l'eau d'une étrange rivière. Ses cheveux sur ce qui